Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Vous retrouvez aujourd'hui l'émission réalisée une fois par mois en collaboration avec le magazine Science et Vie. Et comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Découvrir de nouvelles terres, pourquoi faire ? On les appelle les exoplanètes. Et il s'agit de planètes qui, comme celles que nous connaissons dans le système solaire, tournent autour d'une étoile. La différence, c'est que l'étoile de ces planètes n'est pas justement notre Soleil. Leur étoile brille ailleurs, dans un autre système, un système qui se trouve fort loin de nous. Pour autant, les exoplanètes fascinent les astronomes depuis les premières découvertes, qui ne datent que de 1995. Aujourd'hui, on en compte plus de 2000 identifiés, et leur diversité est telle que le rêve d'une super Terre surgit, une Terre encore plus parfaite que la nôtre. Une Terre idéale en somme. À quoi ressemblerait-elle ? Deux chercheurs, le Canadien René Heller de l'université McMaster dans l'Ontario et l'Américaine John Armstrong de l'université Weber dans l'Utah, tentent de répondre à cette question. À partir, bien entendu, d'un critère essentiel, la Terre idéale doit être habitable, c'est-à-dire susceptible d'héberger une forme de vie. En réalité, bien entendu, il est difficile d'échapper à l'anthropocentrisme dans un tel exercice. La simple formulation de « terre idéale » laisse entendre que nous l'imaginons à partir de celle que nous connaissons. René Heller et John Armstrong ont néanmoins poussé l'exercice jusqu'à imaginer trois critères principaux pour définir une planète idéale, une durée d'existence supérieure, une surface assez plate et des pluies tropicales partout. Pour les chercheurs, ces caractéristiques donnent à la vie les meilleures chances de se développer et de prospérer à la surface d'une planète. Ils se sont ensuite tournés vers l'univers que nous pouvons observer pour y chercher la possibilité d'une Terre encore plus adaptée à la vie que la nôtre. Quelles sont donc les caractéristiques idéales pour qu'une planète soit plus propice à l'apparition et au développement de la vie ? Ces conditions idéales pour la vie le sont-elles aussi pour l'homme ? Combien de planètes idéales peut-il exister dans notre galaxie, la Voie lactée ? À quoi sert de rêver à une exoplanète sur laquelle nous pourrions vivre alors que nous ne pourrons pas nous y rendre ? Peut-on espérer au moins communiquer avec les habitants du paradis imaginé par les chercheurs dans la mesure où il existe vraiment dans l'univers ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui en direct depuis la maison de la radio Martial Karoff, maître de conférences en pétrologie et géochimie magmatique à l'université de Brest et auteur d'un roman intitulé « Exoplanète » publié aux éditions Terre de Brune en 2009. Thérèse Encrenaz est astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS et elle a été vice-présidente de l'Observatoire de Paris jusqu'en 2011. Elle est spécialiste des atmosphères planétaires. François Forget et directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et nous sommes également avec Mathilde Fontaise, journaliste au magazine Science et Vie et auteur de l'enquête intitulée « Paradis extrasolaire » publiée dans le numéro de juillet de Science et Vie. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Mathilde Fontaise, bonjour. Bonjour. Question traditionnelle, qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet et créer ce dossier donc dans le Science et Vie de ce mois-ci sur les planètes extrasolaires ? C'est tout simplement l'idée qu'on a trouvée très originale de ces deux astrophysiciens, René Heller et John Armstrong, d'interroger toutes les recherches qui sont menées en ce moment sur les exoplanètes, puisqu'on en a découvert beaucoup. Il y a beaucoup de recherches sur la géophysique que pourraient être ces exoplanètes, le climat qu'elles pourraient abriter, etc. Et ces deux astrophysiciens ont décidé de rassembler tous ces travaux, qui sont encore loin d'être aboutis, et de les interroger en se posant la question toute simple de savoir est-ce qu'il peut y avoir mieux que la Terre. Et la réponse est oui, ils donnent une réponse très positive, ils disent oui, par exemple une étoile un peu plus petite que notre Soleil pourrait offrir une durée plus longue de lumière pour que la vie puisse se développer. Ou par exemple une étoile un petit peu plus massive que la nôtre pourrait avoir un champ magnétique plus fort et plus durable qui protège des rayons qui sont dommageables pour les molécules complexes et donc pour la vie. Donc ils ont listé comme ça tout un tas de critères. Et c'est cette question qui nous a interrogés et la réponse aussi, c'est-à-dire cette idée aussi de pouvoir dresser un portrait finalement d'une exoplanète idéale et de se projeter un petit peu et même de se poser la question de si elle existe, de si on pourrait la voir, l'observer, la détailler. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'est un peu l'approche inverse de celle qui, à une époque, disait que la probabilité qu'autant de caractéristiques adaptées à la vie que celles qui existent sur Terre était improbable et que ça serait difficile de trouver justement au moins aussi bien. Alors aujourd'hui, on commence à rêver à mieux. Oui, il y a une dizaine d'années, une thèse, une hypothèse de la Terre unique qui s'est renforcée et qui a été étayée par différents travaux, notamment le fait, par exemple, qu'on ait un satellite très très gros comme la Lune ou d'autres aspects, d'autres caractéristiques comme ça qui semblaient uniques et qui pouvaient laisser penser qu'on était finalement un monde assez rare dans l'univers et donc peut-être que la vie était très rare dans l'univers. Mais chacun des arguments qui avaient été avancés pour défendre cette thèse de la Terre unique a plutôt été démonté ces dernières années. Et surtout, en fait, c'est la découverte de ces 2000 exoplanètes par le télescope Kepler américain qui a fait un recensement. On les voit pas, ces exoplanètes, mais par contre, on a des statistiques et on s'aperçoit qu'il y a un très très grand nombre d'exoplanètes de taille très différente, de masse très différente, d'orbite très différente, autour d'étoiles toutes très différentes. Donc il devient un petit peu compliqué de rester bloqué sur la Terre elle-même. On est bien obligé de réfléchir à ce que pourrait être la diversité exoplanétaire. Alors justement, François Forget, bonjour. Bonjour. Un mot peut-être sur ces exoplanètes dont on parle, qui finalement sont récentes, 1995, c'était hier, et d'un seul coup une explosion donc, de découvertes. Et un peu plus que ça. Effectivement, on a découvert les premières planètes extrasolaires en 1995. Donc ça, c'était une révolution. Parce que quelque part, même si théoriquement, on s'était convaincu qu'il devait bien y avoir des planètes autour des étoiles, on n'était pas tout à fait sûr. Et d'ailleurs, avant les années 40, on pensait que c'était exceptionnel parce qu'on imaginait que les planètes étaient formées lorsque deux étoiles se frôlaient, etc. Bon, on avait évolué. Mais quand même, c'était important de le confirmer. Surtout que 95, 96, tout de suite, cette première découverte a été suivie d'autres. Par contre, je tiens à souligner que depuis quelques années seulement, on vit en quelque sorte une autre révolution. C'est que maintenant on en a observé beaucoup et surtout on est capable d'observer des plus petites. Et donc depuis moins de 10 ans, on a pu démontrer deux choses. La première, c'est que les petites planètes, les planètes du style qu'on dirait dans le jargon tellurique, c'est-à-dire qui ressemblent à la Terre, des planètes rocheuses avec une atmosphère, sont très nombreuses. On pense que une grande fraction, voire la plupart des étoiles dans notre galaxie sont entourées de planètes comme cela. Et ça, on ne le savait pas il y a 15 ans, donc ça, je tiens à le souligner aujourd'hui. Et puis l'autre point qui est aussi surprenant, c'est qu'on a un vrai continu entre les Terres, les grosses Terres, les super-Terres, les petites Neptunes, c'est-à-dire que la Neptune, c'est 4 fois le diamètre de la Terre. Et alors, on ne sait plus qui a une atmosphère épaisse, qui est une planète gazeuse, et puis on va vers les planètes géantes. Donc là, il y a un continu qu'on ne connaît pas du tout dans le système solaire. Le système solaire, soit on est Mars, Vénus, la Terre, c'est-à-dire des planètes rocheuses avec une atmosphère, soit on est une planète géante, ou en tout cas gazeuse. Et là, il y a un espèce de continu qu'on ne comprend pas encore. Pour l'instant, on a juste les masses, les rayons, on ne sait pas de quoi sont faits. Donc il y a toutes ces nouveautés-là. Et donc ça, c'est... Voilà, il y a des choses nouvelles à dire et ça va continuer, cette progression. Thérèse Ancrenaz, bonjour. Bonjour. Donc on est passé de cette situation où on s'imaginait unique et ça peut faire référence à d'autres croyances dans le passé où on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Et alors là, on a fait le constat quasiment inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on est une Terre parmi combien ? Combien peut-il y avoir de Terres dans la galaxie ? Là-dessus, là, les statistiques commencent à nous aider. On sait maintenant que vous regardez le ciel, à peu près une étoile sur deux a toutes les chances d'avoir au moins une planète. Quand on voit ça, ça fait des milliards dans la galaxie. Et à partir de là, évidemment, c'est difficile d'imaginer, on n'a pas de bons arguments pour dire qu'on serait seul. Mais attention, on n'a pas non plus d'arguments pour dire que, aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé comment la vie est apparue sur Terre, on aura une grande interrogation là-dessus, je pense. Alors on va y revenir, justement, je profite de ce que vous venez de dire pour rebondir et saluer Martial Karoff qui est avec nous depuis la Bretagne, depuis Quimper. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends, bonjour. On vous entend très très bien, comme si vous étiez parmi nous. Et justement, vous l'avez imaginé, cette exoplanète un peu parfaite, dans le sens où déjà elle est habitable. Dans votre roman, donc, que vous avez justement intitulé « Exoplanète ». Oui, enfin, elle n'est pas parfaite, l'exoplanète en question. Elle est habitable, mais elle n'est pas parfaite du tout, puisqu'il y a, je crois, si je me souviens bien, parce que ça fait déjà un certain temps que j'ai écrit le bouquin, c'est sorti en 2009, je crois qu'il y a 3 ou 4 gros satellites qui tournent autour, ce qui fait des marées fantastiques. C'est pas obligatoirement facile à vivre, et tous les habitants sont réunis sur une sorte d'île continent, dans lequel, donc, ils se trouvent tous groupés, donc ils se sentent isolés dans leur planète. Et à partir de là, ils vont aussi se sentir isolés dans leur coin d'univers. Et du coup, ils vont vouloir communiquer. Donc, j'inverse un peu la perspective, puisque à l'aboutissement du bouquin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le questionnement, non pas de nous, mais des autres vis-à-vis de nous. Voilà. Voilà, mais c'est une façon de transposer, parce que effectivement, on se la pose aussi, la question de qui sont-ils, que font-ils, est-ce qu'ils existent déjà ? Et alors, une des questions, on va revenir évidemment aux hypothèses que vous avez formulées, parce que vous avez pris un peu d'avance sur les chercheurs en faisant ce roman, puisque vous vous êtes projeté dans une situation où cette exoplanète ressemblant à la Terre, en tout cas, même si elle a des petits problèmes particuliers, habitée, existe. Après, on va voir justement quels sont les problèmes que cela pose en termes de communication et en termes aussi d'exploitation de cette connaissance de l'existence d'une exoplanète. Mais peut-être un mot quand même, François Forget, sur ces découvertes. On a parlé de leur nombre, etc. Comment fait-on aujourd'hui pour en découvrir autant? C'est-à-dire, on en est à 2000 à peu près, mais apparemment, on va en découvrir encore pendant des années, j'allais dire des siècles, vu leur nombre potentiel, comme nous l'a dit Thérèse Ancrenaz. Oui, on a plein de méthodes. Alors, pour la plupart de ces planètes, effectivement, on ne fait que les détecter. On les voit pas. Alors, comment on les détecte? Eh bien, c'est les mêmes techniques depuis déjà pas mal d'années maintenant. La première technique, c'est, on sait que quand on observe une étoile avec une planète à côté, c'est très dur, a priori, de voir la planète parce que l'étoile est 1 million ou 1 milliard de fois plus brillante. Donc, c'est très difficile. Par contre, comme elle se tourne autour d'une de l'autre, ça fait bouger l'étoile, et donc quand elle bouge, ça permet de détecter, alors via des méthodes diverses, on arrive à détecter le mouvement de l'étoile influencé par la planète, etc. Une autre méthode qui marche bien, pas pour toutes les étoiles, mais qui marche bien quand on regarde beaucoup d'étoiles, c'est d'essayer de voir le cas, finalement assez courant, où on regarde le système planétaire par la tranche et on voit la planète qui passe devant l'étoile. Et ça fait une petite ombre, ce qui fait que la luminosité de l'étoile baisse un petit peu, et puis comme ça on peut détecter le passage de la planète. Et il y a d'autres méthodes, encore je ne vais pas détailler, on peut parfois les voir directement quand elles sont grosses et loin, on peut utiliser des techniques utilisant la relativité générale, etc. Ce qui fait que quand même on en a détecté quasiment 2000 jusqu'à présent, et dans beaucoup de cas, on arrive à connaître leur masse, leur orbite, assez souvent leur taille, c'est-à-dire le diamètre. Donc quand on a le diamètre et la taille, on peut connaître la densité. Alors des fois on voit, ah oui, ça c'est évidemment une planète gazeuse, ça c'est très dense, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est peut-être trop chaud, mais c'est gros. Enfin, on se pose des questions comme ça. Donc voilà où on en est. Le point important, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas plus que ça. On ne sait pas de quoi est fait l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a à la surface, on ne sait pas. Par contre, on a des projets pour le savoir dans les années à venir. C'est ça la nouvelle révolution qui va venir. Alors justement, cette nouvelle révolution, Thérèse Ancrenaz, comment va-t-elle se produire? Effectivement, on peut être frustré d'imaginer qu'on a cette collection d'exoplanètes identifiées, mais dont on a du mal à connaître un petit peu la forme d'atmosphère, la forme de vie potentielle qui peut exister sur elle. Alors justement, la grande méthode, la nouvelle méthode qui s'offre à nous, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie par transit. Ça consiste à sélectionner les planètes qui ont été découvertes par transit, comme disait François, c'est-à-dire quand la planète passe devant l'étoile. Non seulement on mesure la baisse du flux de l'étoile, de la luminosité de l'étoile, mais en plus on prend un spectre, c'est-à-dire on mesure le rayonnement en fonction de la longueur d'onde, et après on fait la différence entre le total étoile plus planète et puis étoile seule, et on arrive comme ça à récupérer un spectre de la planète elle-même. Et alors c'est une recherche qui est encore dans ses débuts, mais qui est extrêmement prometteuse. Et de cette manière, on a réussi à identifier les quelques molécules basiques, l'eau bien sûr, le méthane, le gaz carbonique, le monoxyde de carbone, sur un nombre de planètes. Alors pour l'instant, ce sont surtout des planètes géantes, parce que c'est plus facile. Mais d'ici 10 ans, c'est une recherche qui va exploser. Donc on en saura beaucoup plus sur chacune de ces exoplanètes. On aura une espèce de census, si vous voulez, de catalogue. Et c'est là qu'on verra, comme disait François, qu'on a toute une gamme dans la nature des atmosphères. On n'a pas les planètes telluriques, rocheuses, et les planètes géantes, comme on a sur le système solaire. On va trouver toute une variété d'objets complètement exotiques. Entre ces deux extrêmes un peu, oui. Ou alors des choses encore plus extrêmes dans les deux, tout à fait. Dans les deux sens. Alors peut-être que justement la question qui se pose, c'est quand on doit en créer une de soi-même, Martial Karoff, comment fait-on? Quels sont les critères? Comment vous avez choisi? Comment vous avez créé la vôtre, l'exoplanète? Allô? Je suis à la fois scientifique et romancier, donc du coup, j'avais. Oui, et voilà, c'est ça qui nous intéresse particulièrement, de voir comment ce mélange peut aboutir à une création d'un objet céleste. Alors, je suis pas spécialiste des exoplanètes, mais en revanche, je connais assez bien la Terre, je sais comment elle fonctionne, donc du coup, je suis parti, des contraintes dont vous parliez tout à l'heure, d'un certain nombre de choses qui sont indispensables pour qu'il y ait de la vie carbonée. Et après, j'ai fait travailler mon imagination, voilà, disons. Alors oui, déjà vous avez fait le choix du carbone, ce qui... Voilà, oui, justement, j'aimerais poser la question justement aux spécialistes qui vous entourent, voilà. Parce que là tous les hypothèses qui sont faites sont faites à partir d'une chimie carbonée avec de l'eau comme solvant. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager une autre solution? Alors François Forget, par exemple. Alors c'est évidemment le sujet que tout le monde se pose, parce qu'on se rend bien compte qu'on est un peu chauvin de dire il faut la chimie du carbone en solution dans le liquide. Mais ce qui est intéressant quand on discute de ça, c'est un sujet très classique, souvent abordé dans de nombreuses conférences, de nombreux débats. Eh bien, c'est de se rendre compte que les chimistes de toutes sortes, de toutes spécialités, sont d'accord pour dire que la chimie du carbone en solution dans l'eau liquide, donc celle qui permet la vie, est d'une richesse incommensurable comparée à une autre chimie. Alors, je ne parle pas des chimies sans carbone, mais même le carbone en solution dans d'autres solvants, fait un nombre de molécules qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Il y a quelque chose de particulier quand même, d'unique. C'est pas seulement parce que la vie telle qu'on la connaît sur Terre est basée comme ça, que l'on pense comme ça. On a du mal, non seulement c'est la vie telle qu'on la connaît, mais on a du mal à imaginer une chimie capable de faire la vie autrement. Alors, peut-être qu'on on ferme les yeux en faisant ça, mais on n'a pas non plus d'exemple dans le système solaire d'animaux, de silice qui se promènent sur certaines planètes. Thérèse Ancrenas. Oui, on peut ajouter quelque chose, c'est que si on regarde le milieu interstellaire, on a 100 ou 200 molécules, et la plupart d'entre elles sont composées à partir de carbone, jusqu'à une dizaine d'atomes de carbone. Et il n'y a que le carbone qui permet cette richesse. Donc, on n'est pas complètement anthropomorphique quand on dit qu'il faut du carbone et de l'eau. C'est une réalité qui nous est aussi montrée par le milieu interstellaire. Par exemple, les comètes, là, en ce moment, on est en direct, en contact direct avec l'une d'entre elles, via Philae, qui est posée sur elle. Qu'est-ce qu'on a déjà appris sur sa composition et qui peut nous informer sur l'univers? Ce qu'on a déjà appris grâce au spectromètre infrarouge, c'est que la surface est uniformément couverte d'un composé d'hydrocarboné complexe, parce qu'il a une signature spectrale à 3 microns qui est caractéristique des hydrocarbures. Par contre, on n'a pas pu encore trouver l'analogue au laboratoire. Mais on sait que c'est un ensemble de molécules carbonées qui sont à la fois des chaînes aliphatiques, comme on dit, c'est-à-dire des longues chaînes CH, CH, CH, et puis des aliphatiques, c'est-à-dire des aromatiques, oui. Voilà. Donc, d'alternative au carbone. Le carbone est une donnée essentielle du matériau cométaire. France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti. Nous débattons aujourd'hui de la question découvrir de nouvelles terres, pourquoi faire, avec nos invités, Martial Karoff, maître de conférences en pétrologie et géochimie magmatique et auteur d'Exoplanète, un roman publié aux éditions Terre de Brume. Thérèse Ancrenaz, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, et François Forget, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et également, nous sommes avec Mathilde Fontaise, journaliste au magazine Science et Vie. L'alternative, Mathilde, c'est le silicium, quand même, qui est souvent cité comme autre voie pour pallier l'absence, par exemple, de carbone. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs chimies différentes qui ont été explorées, mais comme le disait François Forget et Thérèse Encrenaz, j'ai moi l'impression en tant qu'observatrice de tous ces travaux de, un petit peu de loin, que ces travaux sont un petit peu en train de régresser et que finalement l'idée que le carbone et l'eau liquide sont des conditions nécessaires s'est imposée. D'autant plus qu'on n'a pas non plus de raison de penser qu'il n'y ait pas d'eau liquide sur des planètes. Et on n'a pas non plus de raison de penser qu'il n'y ait pas une bonne quantité de carbone aussi pour pouvoir donner naissance à une chimie qui soit un peu complexe. Donc du coup, autant se cantonner au cas, on va dire, le plus probable. Voilà, d'ailleurs, Martial Caroff, c'est un peu le pari que vous avez fait vous-même. Vous avez donc fait le choix de l'hypothèse carbone-eau, en fait. Oui, j'ai aussi choisi cette solution-là. Ça me paraissait effectivement évident. Donc j'ai parlé à un moment donné dans mon texte du silicium. Enfin, je me suis pas étendu là-dessus. Effectivement. Voilà, les chercheurs évoquent quand même cette hypothèse dans votre livre. Et tout à fait. Oui. Au-delà de ce couple carbone eau, comment vous l'avez construite en termes de taille? Pourquoi avoir fait les choix que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des critères? On va essayer ensuite de les rapprocher de ceux des deux chercheurs qui ont imaginé cette Terre idéale dans le dossier de Science et Vie. Déjà, mon exoplanète, si je puis dire, je l'appelle Exoterra, ça ne fait qu'un... Enfin, il en est question seulement dans le dernier chapitre du livre, un petit chapitre. L'essentiel du bouquin, ça se passe sur Terre. C'est une enquête, en fait, pour essayer de savoir ce qui se passe, parce qu'il y a un signal lumineux dans le ciel, etc. Donc, en fait, c'est une enquête faite par des scientifiques et des littéraires. Et la présentation de l'exoplanète, à proprement parler, n'occupe que quelques pages à la fin du livre. Oui, alors donc, je me suis... j'ai pris les connaissances que j'avais qui existaient à l'époque. Donc, ça a été écrit en 2008, je crois qu'il y avait aussi un numéro spécial de Science et Vie ou d'une autre revue qui était sortie à ce moment-là, avec des superbes dessins artistiques qui représentaient justement toutes les possibilités. Donc voilà, j'ai fait des choix. Je me suis pas cantonné aux critères scientifiques. J'ai aussi voulu y mettre des choses que j'avais envie de parler. Les grandes marées, par exemple, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Moi, donc vous les avez créées du coup avec un coup de satellite. Bon, voilà, il suffit d'en ajouter deux ou trois et puis c'est joué. Alors en plus ils ont des orbites assez compliquées, ça fait des marées qui sont complètement anarchiques, donc mon idée c'est un roman sur l'incommunicabilité. C'est ça le thème fondamental du roman. Donc du coup j'ai voulu non seulement faire une planète je dirais isolée dans son bras de galaxie, mais aussi un peuple unique d'ailleurs, isolé sur une île continent au sein de la planète. Cette notion de solitude et d'envie de communiquer pour moi est fondamentale. Et d'où la difficulté. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé une technique absolument incroyable pour communiquer avec la seule exoplanète pour eux habitée qui existe dans leur bras de galaxie, c'est-à-dire la Terre. Et il n'y en a pas d'autres, enfin, en tout cas dans le roman. Donc ils ont inventé sur plusieurs générations des techniques absolument incroyables pour pouvoir communiquer avec eux, parce que c'est devenu une obsession pour eux, ce désir de communiquer. Et c'est lié à leur histoire, c'est lié à leur géographie, et aussi à leur culture. Enfin voilà, j'ai essayé d'inverser complètement le problème. En effet, donc nos deux chercheurs, eux, n'ont pas raisonné comme ça. Ils ont essayé de voir quels étaient les critères que l'on pourrait améliorer par rapport à la Terre telle qu'elle existe aujourd'hui, avec quand même cette optique de favoriser la vie. C'est pas uniquement juste pour des critères qui sont artificiels, Mathilde Fontaise. Oui, il se base vraiment sur l'idée de trouver une planète habitable. Voilà. Donc ça veut dire, habitable c'est un terme, enfin c'est une définition très précise pour les astrophysiciens, ça veut dire avoir de l'eau liquide en surface. Parce qu'on peut, comme on ne sait pas comment la vie s'est formée, on peut pas dire qu'une planète est habitable d'un point de vue de l'origine de la vie. Par contre, on peut se dire que l'eau liquide est nécessaire, comme on l'a dit juste avant, et donc on peut se dire qu'une planète habitable, potentiellement habitable, doit avoir de l'eau liquide en surface. À partir de là, les chercheurs se sont posé la question de savoir quelles étaient les planètes qui offriraient de l'eau liquide en surface le plus longtemps possible. Puisqu'ils ont ajouté une autre hypothèse, celle de se dire qu'il a fallu beaucoup de temps pour que la vie apparaisse sur Terre, et que donc, a priori, plus on donne de temps à une planète pour avoir de l'eau liquide en surface, plus on donne de temps à la vie pour qu'elle puisse d'une part émerger et ensuite évoluer. Je coupe là, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, puisque sur Mars, il y a sans doute eu de l'eau à une époque, et qu'il n'y en a plus aujourd'hui, donc c'est pas une question uniquement de temps. Oui, ben justement, sur Mars, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour que la vie puisse émerger et évoluer. Avant que l'eau disparaisse. Avant que l'eau ne disparaisse. Et donc l'idée, c'est effectivement de trouver des planètes, enfin en tout cas d'essayer de décrire la planète qui offrirait le plus de temps possible. Et c'est pour ça qu'ils ont pu comme ça tirer des critères. C'est toujours avec cette idée de temps qui est centrale dans leur travail. Et notamment, je parlais des étoiles tout à l'heure, et quel est le type d'étoile qui est le plus propice à la vie. Eux ont répondu à cette question en se posant la question de savoir quelle est l'étoile qui offre la plus longue plage de lumière, ni trop agressive, ni trop faible, pour que l'eau puisse rester liquide sur une planète autour d'elle. Et ils en sont arrivés à un type d'étoile particulier qui s'appelle les étoiles K, et qui est juste une étoile un tout petit peu plus petite que le Soleil. Des naines oranges. Des naines oranges, ouais. C'est plus joli que K. Oui, c'est vrai, c'est le jargon K. François Forget, qu'est-ce que ça vous inspire, cette démarche d'imagination ou de calcul des meilleurs critères? Ça correspond à une démarche qu'en fait de nombreux chercheurs ont, c'est-à-dire qu'on a une vraie réflexion sur, non pas la meilleure planète possible, mais qu'est-ce qui fait qu'une planète va être propice à la vie? Où faut-il rechercher? Parce qu'on prépare des missions spatiales ou des télescopes terrestres pour essayer de mieux comprendre, détecter ces futures planètes habitables, enfin ces planètes habitables. Et donc, il y a une vraie réflexion autour de ça. C'est un sujet sur lequel je travaille, par exemple. Et alors, effectivement, il y a plein de problèmes. Et parmi les problèmes qu'il y a, effectivement qu'il faut du temps pour que la vie puisse démarrer. Donc sur Terre, en fait, on ne sait pas trop. Aussi loin qu'on puisse remonter en regardant les archives géologiques, on voit à peu près des indices, des choses qui nous semblent indiquer que la vie était déjà apparue et peut-être même déjà assez évoluée. On a des roches sédimentaires qui ont jusqu'à 3 milliards et demi d'années. La Terre est encore 1 milliard d'années plus ancienne. On parle d'un milliard à peu près, enfin comme échelle de. Oui, c'est ça. Le délai pour que la vie apparaisse. Ce qui est fascinant, ce qui a été mentionné, c'est que après, il a fallu 2 milliards d'années entre les premières bactéries qui étaient déjà assez sophistiquées, capables de faire de la photosynthèse, etc. Enfin, les premières bactéries qu'on a pu détecter, reconnaître, identifier, pour qu'on commence à avoir une vie multicellulaire, des plantes, des animaux. Donc, est-ce que ces 2 milliards d'années sont indispensables? On ne sait pas du tout. En tout cas, il faut du temps. C'est beaucoup de temps, ça. 2 milliards d'années. Même à l'échelle d'une étoile, c'est beaucoup de temps. Alors, ça, c'est un premier problème. Oui, c'est vrai que c'est bien. Il faut préciser pour que nos auditeurs comprennent, parce que quand on dit c'est beaucoup de temps, c'est par rapport à la durée, d'une étoile. Oui, par exemple, le Soleil. 10 milliards. Oui, pour le Soleil. Alors, ça dépend de l'étoile. Ça dépend, en fait, tout simplement de la masse de l'étoile. Le Soleil, typiquement, la Terre, comme le Soleil, ont 4 milliards et demi d'années. Et le Soleil va exploser, d'ici 4 milliards et demi d'années aussi, quoi, ou 5 milliards. Mais à peu près alors, au milieu. Mais le point à dire, qu'on peut ajouter, c'est que non seulement la durée de vie d'une étoile comme le Soleil est limitée, à des échelles de temps qui sont quand même importantes pour que la vie puisse évoluer, mais surtout l'étoile elle-même évolue doucement. Le Soleil en particulier est de plus en plus lumineux, et ça c'est un vrai problème pour l'habitabilité, parce que par exemple, dans à peu près 1 milliard d'années, on a même fait des travaux là-dessus qu'on a publié l'année dernière avec des collègues de mon équipe, eh bien dans 1 milliard d'années le Soleil sera un peu plus lumineux qu'aujourd'hui, et probablement il va y avoir un emballement du climat. Si vous voulez, les océans vont s'évaporer, il va y avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, l'effet de serre va se renforcer. Vous dites ça comme si c'était tout à fait banal. Et ça va faire bouillir les océans. Voilà, ce sera donc la fin du monde telle qu'on la connaît. Voilà, à côté du réchauffement climatique actuel, c'est quand même beaucoup plus violent. Oui, mais c'est dans 1 milliard d'années. Certes. Et inversement, heureusement, si on retourne il y a 2, 3, 4 milliards d'années sur Terre, le Soleil était un peu moins lumineux, 25% moins lumineux typiquement il y a 3 milliards d'années, et donc ça pose des problèmes de climat, il fallait un effet de serre beaucoup plus fort, et on est tout à fait fasciné lorsqu'on étudie ce sujet-là, de comprendre que la Terre, au fur et à mesure de son existence, a su, alors je pourrais débattre, on pourrait élaborer, oui, pourquoi, ça c'est déjà une su, façon oui. de le présenter qui est des, assez... des rétroactions géophysiques ont maintenu sur la Terre c'est beaucoup plus... un climat propice à l'eau liquide et à la vie. Et ça c'est pas évident. Donc non seulement il faut des étoiles qui ont une durée de vie pas trop courte, mais en plus c'est bien lorsqu'elles évoluent pas trop vite. Et c'est vrai que les étoiles un peu plus petites sont plus stables et c'est peut-être plus facile pour maintenir cette habitabilité. Ça montre que ce que nous raconte François Forget, que les conditions finalement pour que la vie se développe et dure ou existe, ne serait-ce que ça sur une planète, même quand la planète s'y prête, c'est quand même qu'une partie de sa durée de vie qui est exploitable par la vie d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Cela dit, pour revenir sur la question de l'évolution de la vie si la température s'élève, je crois qu'on peut mentionner quand même que ce qu'on a trouvé sur les extrémophiles, montre que la vie sur Terre a une capacité d'adaptation qui est tout à fait extraordinaire. Quand on dit vie, on pense souvent à nous, en fait. Oui, en fait, il y a des organismes vivants qui survivent dans des conditions incroyables. À condition qu'il y ait de l'eau liquide. Il faut l'eau liquide, voilà, qu'il arrive. Oui, il faut trouver effectivement qu'il y ait des réservoirs quelque part qui existent encore, effectivement. Martial Karoff, est-ce que dans votre cas, vous vous êtes interrogé sur ça, sur cette zone de possibilité de la vie et de durée de l'exoplanète par rapport à son étoile, par rapport à ce genre de critères? Oui, je crois que, je répète, ça fait un bout de temps que je l'ai écrit, donc je me rappelle plus de tout, mais il me semble qu'effectivement, mon étoile est également une étoile, une naine rouge, il me semble. Donc, oui, je m'étais interrogé. Orange, en fait, hein, c'est, il y a une petite différence. Il y a une différence entre les naines rouges et les naines oranges. Les naines rouges sont un petit peu plus petites que les naines oranges encore, et elles rencontrent certains problèmes. Elles sont beaucoup étudiées parce qu'effectivement, on étudie tous les cas de figure, et en plus, les planètes sont beaucoup plus facilement détectables autour des petites étoiles. Donc du coup, c'est plus facile, on peut envisager de pouvoir étudier l'atmosphère des planètes autour des naines rouges beaucoup plus rapidement dans l'avenir que de détecter... Voilà. Elles sont beaucoup plus nombreuses en fait, ça c'est important. Il y a beaucoup plus d'étoiles plus petites que le Soleil, que d'étoiles comme le Soleil et que des étoiles plus grosses. Donc la majorité des étoiles dans notre voisinage, ce sont des petites étoiles. Donc vous avez quand même bien choisi, Marcel Karoff. J'avais effectivement choisi je m'étais intéressé à ce genre de considération, donc sachant évidemment que si l'étoile est faiblement lumineuse et pas trop chaude, eh bien la zone d'habitabilité est plus proche de l'étoile que si c'est un gros machin. Donc voilà, et donc oui, le livre s'ouvre justement par une conférence d'un spécialiste. Donc voilà, on pose tout l'état des connaissances à cette époque, c'est-à-dire... À l'observatoire de Meudon, d'ailleurs. Meudon, voilà. Pour pas être dépaysé. Ça se passe en 2030, et puis gros avantage par rapport aux problématiques qui sont soulevées là actuellement, c'est que le bouquin a été écrit en 2008, mais ça se passe en 2030, et à cette époque, il y a un super télescope spatial en multi, comment s'appelle ça, avec disons c'est un essaim de télescopes là qui sont organisés en sphères et qui permettent d'avoir une vision, une véritable vision de la géographie des exoplanètes. Donc on a avancé d'un cran par rapport à la situation actuelle, ce qui permet de voir, de visualiser non seulement la planète mais aussi les paysages et les villes, etc. Oui, très bien. Donc ça, c'est parfait pour l'observation. Pour ce qui est pour revenir à notre situation à nous, et c'est là qu'on rejoint aussi le thème de votre livre, toutes ces exoplanètes dont on vient de parler, toutes ces possibilités de vie, toutes ces solutions aussi, ou cette diversité de planètes qui existe visiblement dans, c'est le cas de le dire, dans notre galaxie, pose un problème de distance. Alors, justement, Mathilde Fontaise, vous citez l'étoile la plus proche, qui est Alpha du Centaure, et qui est candidate aussi peut-être à avoir une exoplanète. Oui, les astronomes s'y sont intéressés beaucoup ces derniers temps, c'est une étoile double, enfin une étoile triple en fait, mais deux de ces trois étoiles sont plus proches l'une de l'autre, et l'une de ces deux étoiles est une étoile de type naine orange, donc une fameuse étoile K, les étoiles préférées des deux astronomes. La meilleure étoile qui soit. Et on a déjà découvert une planète autour de cette étoile, qui est une planète rocheuse en plus, enfin potentiellement rocheuse, en tout cas petite, mais beaucoup trop proche de son étoile pour qu'elle puisse avoir de l'eau liquide en surface. Par contre, les astronomes, c'est ce qui est un peu rigolo, les astronomes qui ont découvert cette petite planète ont voulu vérifier la planète en utilisant le télescope spatial Hubble, et ils ont trouvé un signal mais qui n'était pas celui qui correspondait à leur petite planète. Et donc ils soupçonnent l'existence d'une autre planète qui serait potentiellement dans la zone habitable, on ne sait pas. Donc il y a une sorte d'excitation, puisqu'il s'agit quand même de l'étoile la plus proche de la Terre, de savoir s'il y aurait ou pas une planète habitable autour de cette étoile. Et vous dites qu'on ne saura pas avant 2017. Oui, parce que pour l'instant, ces deux étoiles sont trop proches dans le ciel l'une de l'autre, et donc il est impossible de procéder aux observations. Donc les astronomes attendent patiemment. Alors François Forget, l'étoile la plus proche de la Terre, elle est à quelle distance? Elle est environ 4 années-lumière. Et il faut bien voir, donc 4 années-lumière, le problème c'est que c'est à la fois proche, pour une étoile, et très lointain. Alors, Il y a deux choses. D'abord, quand on observe cette étoile, on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans. Si on voulait communiquer avec les habitants d'une de ces planètes, eh bien, il faudrait que le message mettrait 4 ans pour aller là-bas, le message radio, et puis 4 ans pour revenir, donc ce serait très long. Et puis, évidemment, surtout, si on veut envoyer une sonde spatiale ou si on veut y aller nous, avec les technologies telles que l'on connaît, là, on parle, pour aller juste à 4 années-lumière, on parle facilement de plusieurs dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années. Donc, il faut vraiment... Le point important à retenir, c'est pas tellement ce côté un peu pessimiste, on n'ira jamais, on peut rien y faire, c'est qu'on peut quand même l'observer avec des télescopes qui vont être de plus en plus capables et on va pouvoir observer de quoi est fait son atmosphère, essayer de détecter des molécules, etc. L'autre point que je veux ajouter, c'est que la première étoile est à 4 milliards d'années, à 4 années-lumière. Par contre, si on prend déjà une sphère autour de notre Soleil jusqu'à 10, 20 années-lumière, déjà, il y a beaucoup plus d'étoiles. Il y a quand même autour de nous un certain nombre d'étoiles, surtout des petites, que l'on va pouvoir étudier et pouvoir observer dans des bonnes conditions. Thérèse Ancrenaz, on disait avant l'émission que finalement c'est une question d'adaptation de notre mode de communication. 4,3 années d'attente pour qu'un message arrive et ensuite le même temps pour attendre que la réponse, si elle était immédiate, revienne. Simplement, c'est une question d'habitude. Mais c'est pas du tout impossible. Pensez par exemple que la mission Rosetta a été pensée il y a 30 ans et qu'on a les résultats aujourd'hui. Moi, je crois que c'est quand même très important cette question de signaux radio qui peuvent être envoyés. Parce que, comme vous savez, depuis plusieurs dizaines d'années, les astronomes ont envoyé des signaux tous azimuts. Par les radiotélescopes. Voilà, on connaît Contact, le film de science-fiction. Jodrell Banks, etc. Ça n'a jamais rien donné, ce qui n'a rien de surprenant. Mais imaginez maintenant que vous ayez un candidat, une planète habitable potentiellement. Ben, vous savez, regardez. Et ça change tout. À mon avis, c'est là l'espoir, je pense, pour le futur. Effectivement, les sondes spatiales, c'est hors de question. C'est même pas la peine d'y penser. Mais la communication par signaux radio... C'est quelque chose qui, à mon avis, a un sens, simplement. C'est des échelles de temps de dizaines d'années. Martial Karoff, est-ce que c'est la solution pour les habitants de votre exoplanète qui sont en mal de communication, justement ? Oui, ils sont à 389 années-lumière de la Terre et comme ils sont beaucoup plus avancés que nous au niveau de l'optique, ils nous ont détectés bien avant que nous les détectons. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une civilisation qui est isolée, qui a absolument besoin, c'est même vital pour eux de communiquer. Ils ont créé un système absolument incroyable, un planétoïde autour de leur planète pour envoyer des signaux lumineux à travers l'espace et communiquer avec la Terre. Donc pour ça, ils ont inventé un code, un petit code très très simple qui donne un maximum d'informations sur ce qu'ils sont. Le problème, c'est comme il faut... Comme ils sont à 389 années-lumière, il faut du temps et donc c'est la génération qui a construit l'appareil, c'est pas cette génération-là qui va pouvoir bénéficier d'une réponse éventuelle. Ça tout dépend de leur durée de vie, remarquez, on les connaît pas bien. Donc en fait, l'idée c'est de structurer toute une culture autour de ce besoin de communiquer avec une autre planète. Et donc toute leur civilisation, toute leur culture, toutes leurs fêtes, leur vie religieuse tourne autour de ça. Et là, on commence à toucher du doigt le problème du pourquoi. Là, en l'occurrence, pour cette civilisation-là, le pourquoi, eh bien, c'est tout simplement complètement structurant. C'est-à-dire qu'ils ont structuré toute leur manière d'être, toute leur vie sociale autour de cette incommunicabilité qu'ils veulent surmonter. Donc c'est une forme de relation quasi divine avec le problème. On touche du doigt l'un des aspects de ces affaires-là. C'est que je pense que là, on est en train de rentrer dans une sorte de mystique du 21e siècle, c'est-à-dire que les exoplanètes peuvent être un vecteur pour quelque chose d'extrêmement puissant. Alors justement, c'est une question, François Forget, pour vous, les exoplanètes sont-elles une forme mystique de en matière de recherche ? Est-ce que c'est en train de devenir cela aujourd'hui ? Mystique, absolument pas. C'est une recherche tout à fait réaliste. Et ça, c'est l'apparence, elle a l'air réaliste comme ça, mais au fond, elle peut peut-être cacher autre chose. Une volonté autre que celle juste de découvrir une planète, une exoplanète de plus. Non, c'est vrai que le moteur Si c'est ça la question, le moteur de nombreux chercheurs, nombreux astrophysiciens, effectivement, de répondre à cette question. Sommes-nous seuls dans l'univers? La question la plus tarte à la crème que l'on se pose depuis de très longtemps. Et c'est dans la réponse serait quand même. Et c'est particulièrement bruit. Oui, et c'est particulièrement motivant de travailler sur ces sujets-là actuellement parce qu'on progresse. On fait vraiment des progrès. Par exemple, si vous prenez la fameuse équation de Drake, qui est censée donner une statistique sur le nombre possible de civilisations qui seraient présentes à nos côtés dans la galaxie, eh bien, il y a plusieurs termes. Selon les estimations qu'on fait de ces termes, on peut trouver un, c'est-à-dire la Terre serait unique, ou un très grand nombre. Et ce qui est fascinant, c'est que déjà, on a déterminé le premier terme, voire le deuxième terme. Et puis bientôt, en étudiant les atmosphères, on pourra faire progresser cette connaissance-là. L'autre point que je veux ajouter, c'est que en faisant cette recherche, par rapport à la science-fiction qu'on évoque là, eh bien, c'est quand même fascinant de voir que la réalité dépasse même la fiction. La plupart des choses qui ont été imaginées, et c'est réel. On détecte vraiment des systèmes de multiples planètes avec des orbites très, très bizarres, autour de systèmes stellaires avec une étoile rouge, une étoile bleue. On peut imaginer toutes sortes de choses. Et c'est une réalité, ça existe vraiment. Et moi, je trouve que le fait que ça existe vraiment, par rapport à la science-fiction, ça ajoute encore de l'émotion, pour moi en tout cas. J'aime bien ce côté, là, quelque part, dans ce coin-là du ciel, il y a une planète qui voit un ciel, une étoile comme ceci, qui est dans ce coin-là, etc. France Culture, Science Publique, Michel Albergonti. Découvrir de nouvelles terres, pourquoi faire? C'est notre question aujourd'hui avec nos invités. Martial Karoff, maître de conférence en pétrologie et géochimie magmatique à l'université de Brest, auteur de Exoplanète, un roman publié en 2009. Thérèse Encrenaz, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS. Et Vincent Forget, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Nous sommes également avec Mathilde Fontaine, journaliste au magazine Science et Vie. On voit quand même que Thérèse Encrenaz, on sort aussi un petit peu de la recherche, là, il y a un côté où on commence à rêver en même temps qu'on observe. C'est vrai qu'on rêve en même temps qu'on observe, mais c'est vrai aussi que quand on s'attelle à cette question qui est vieille comme l'humanité, quand même, sommes-nous seuls dans l'univers, ça prend forcément une dimension qui dépasse la recherche simple. Et je crois que si effectivement on avait l'évidence que la vie existe sur une exoplanète, où qu'elle soit, ce serait une découverte fondamentale, je pense. Et ça aurait des implications aussi sur cette question qui reste ouverte. Comment la vie est-elle apparue sur la Terre? Si on arrivait à détecter donc des formes de vie sur des planètes dans des conditions très différentes des nôtres, ça serait un élément de réflexion supplémentaire pour cette recherche-là. Alors c'est une réflexion qui a déjà lieu sur Terre, d'une certaine façon, avec ce que vous avez cité, les êtres extrémophiles qui vivent dans des conditions qui nous paraissent improbables ou paraissaient impossibles même avant de les découvrir. Absolument. Et découvrir la réalité. Absolument. Donc ce qui permet d'imaginer effectivement, c'est ce qu'on cherche sur Mars aussi, c'est-à-dire peut-être sous Terre, puisque là on a beaucoup parlé de la présence d'eau liquide à la surface des planètes pour qu'elles soient habitables, mais cette eau a pu disparaître d'une façon ou d'une autre, s'enfoncer sous Terre, être encore présente à l'état gelé dans des profondeurs et avec des traces peut-être de vie passée. C'est un petit peu d'ailleurs, on en parle moins maintenant, mais c'était une des missions, semble-t-il, des robots qu'on a envoyés sur Mars, c'était de trouver des traces de ce type, François Forget. Oui, absolument, c'est le... Il y a deux choses à dire. La première, c'est que on parle depuis le début d'une planète propice à la vie en parlant de d'eau liquide à la surface. Mais on n'est pas aveugle au fait que sur de nombreux corps, et en particulier dans le système solaire, il y a de l'eau liquide en profondeur. Par exemple, le satellite Europe autour de Jupiter est recouvert d'une croûte de quelques kilomètres de glace et on est quasiment convaincu qu'en dessous, il y a un océan d'eau liquide. Toutes ces choses-là sont difficiles d'accès. Alors, il y a deux points. À partir du moment où on n'est pas à la surface, qui est dessous, c'est plus dur de savoir. Il y a deux problèmes. Effectivement, c'est que d'abord, c'est difficile d'enquêter sur la chimie qui peut y avoir dans cet océan. C'est difficile de détecter une vie, même dans le système solaire. Alors, autour des autres étoiles, n'en parlons pas. Et l'autre point, c'est qu'on est aussi conscient que la vie vraiment évoluée, en tout cas, la vie a pu vraiment évoluer et se développer sur Terre et vers quelque chose de complexe en profitant d'une source d'énergie abondante qui sont le rayonnement du soleil via la photosynthèse. Sans cela, en tout cas, on aurait peut-être de la vie, mais serait-elle aussi intéressante, on va dire, entre guillemets, c'est subjectif, que ce qu'on a sur Terre? On n'est pas sûr. Donc, on a aussi le sentiment que non seulement c'est difficile de chercher la vie dans les océans souterrains, mais aussi cette vie dans le noir, sans aucune, avec peu de sources d'énergie, c'est peut-être moins favorable. Mais le premier critère, c'est que de toute façon, c'est très difficile de la rechercher. Oui, tandis surtout que les sources hydrothermales ne sont pas non plus visibles de l'espace, et j'imagine que elle serait difficile à détecter pour les habitants de, d'Exoterre. Comment vous l'avez appelé, Martial? Exoterre, c'est ça, votre planète? Exoterra. Exoterra. Voilà, quelqu'un d'Exoterra aurait du mal à les détecter, ces sources hydrothermales. Oui, mais par contre, il faut rappeler quelque chose que l'on dit souvent, mais on peut le répéter aujourd'hui, c'est que par ailleurs, la vie à la surface, via la photosynthèse, via un certain nombre d'activités, modifie la composition de l'atmosphère. Sur la Terre, on a énormément d'oxygène dans l'atmosphère. C'est tout à fait étonnant du point de vue chimique. En fait, s'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas autant d'oxygène. Il n'y aurait pas donc autant d'ozone. Il y aurait beaucoup moins de méthane. Et tous ces indices-là sont bien connus, ont été reconnus depuis longtemps. Et cela nous inspire et nous donne l'idée que, en étudiant, on va être capable de détecter la composition des atmosphères autour des autres planètes. Et d'ici quelques dizaines d'années, d'un grand nombre d'exoplanètes. Et peut-être que certaines de ces exoplanètes auront des compositions chimiques étonnantes. Étonnantes, scientifiquement, ça veut dire hors équilibre. C'est-à-dire que la chimie naturelle minéral n'est pas censé maintenir une composition comme cela. Il faut un phénomène étrange comme la vie pour le faire. Et à ce moment-là, on fera des efforts pour mieux comprendre cette planète particulière avec cette atmosphère riche en oxygène. Et peut-être que, de fil en aiguille, on arrivera à confirmer une présence de vie. Donc, c'est faisable. Alors, un autre aspect, c'est aussi la différence qu'il y a entre la vie et l'homme, au fond. Parce qu'une planète peut être très, très favorable à la vie. Et pas forcément plus confortable pour l'homme, Mathilde Fontaine. C'est un petit peu un des angles aussi que vous traitez dans votre enquête. Oui, on s'est posé la question de savoir, puisque forcément, on sait très bien qu'on est tous anthropocentrés et que donc très naturellement, quand on dresse le portrait d'une planète idéale, on s'attend à ce qu'elle soit idéale pour nous. Pour nous, bien sûr. Et bien évidemment que le travail de René Leur et de John Armstrong n'était pas fixé sur l'homme. Ça aurait été bien réducteur. Déjà, il est fixé sur une chimie basée sur le carbone et le liquide. Donc déjà, ça c'est suffisamment réducteur. Donc du coup, on s'est posé la question de savoir ce que pourrait ressentir un astronaute terrien qui débarquerait sur cette planète super habitable. Et on n'a pas trop de données sur l'atmosphère de cette exoplanète, sur sa composition, puisque ça fait partie de l'une des grandes inconnues, justement, des exoplanètes qu'on observe. Donc on peut imaginer tout, et en particulier, on peut imaginer que l'atmosphère soit tout à fait respirable. Par contre, la gravité serait forcément un peu écrasante. Ça me fait penser au film Interstellar, où à chaque nouvelle planète qui est visitée, on dit l'atmosphère, oh, la gravité est agréable, ou oh, la gravité est pas très agréable. On va sur cette planète super habitable, la gravité ne serait pas très agréable, voilà, on pèserait sensiblement plus lourd. C'est l'équivalent pour nous de la température quand on fait du tourisme, c'est un des critères importants pour apprécier le climat local. Mmh. Et là, vous dites donc dans la planète idéale, quelqu'un de 70 kilos en pèserait entre 97 et 125, ce qui est effectivement nettement plus lourd. Mmh. Il faut quand même préciser que de cette planète idéale aurait très peu de relief. Oui, alors d'après ça, leurs calculs ou leurs c'est plutôt d'après leurs c'est leurs estimations, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu s'empêcher forcément après avoir dressé et donné les caractéristiques géophysiques de cette planète, ils ont essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler ce paysage. Et donc tout ça ce sont des hypothèses, c'est presque à la limite de l'imagination, mais ils se sont dit que par exemple, sans doute une planète de cette masse aurait une gravité plus intense, une érosion plus forte parce qu'une atmosphère plus dense, et donc du coup, sans doute un paysage plus plat, et donc sans doute une eau plus répartie, et donc sans doute pourrait-il y avoir des sortes de chapelets d'îles à perte de vue. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se rapproche, ça nous a beaucoup plu, nous, à Science et Vie, ça se rapproche vraiment énormément de l'idée du paradis qu'on se sur Terre, c'est-à-dire de cette idée des paysages d'îles désertes avec des palmiers. Voilà, puis avec des pluies tropicales. Et avec des pluies tropicales. Relativement douces et pas trop violentes. Et donc c'est drôle c'est drôle comme le paysage fantasmé finalement, sur des bases quand même assez scientifiques au départ, revient à cette idée du paradis voilà, en fait, justifie aussi la nécessité qu'il n'y ait pas trop de relief par le fait qu'il y a plus de vie dans les altitudes moyennes que dans les altitudes extrêmes. D'une part, on évite les déserts. Et d'autre part, on sait que sur Terre, en tout cas, on observe qu'il y a une plus grande diversité quand il y a comme ça des petits écosystèmes séparés, plutôt que quand il y a un écosystème complet. Thérèse Ancrenaz. Oui, je m'interroge un peu sur cette question du relief pas très élevé, parce qu'en même temps, si cette planète fait 3 masses terrestres ou 3 ou 5 masses terrestres, elle va avoir une énergie interne beaucoup plus forte, donc du volcanisme. Donc en fait, tout dépend de son âge. Je crois qu'il parle de la tectonique, justement, aussi. Oui, ce sont des conditions qui sont passera par des moments où il y aura des activités volcaniques et tectoniques fortes, auquel cas vous aurez des reliefs qui peuvent être tout à fait importants. Et puis après, vous aurez des phases d'érosion où, effectivement, vous aurez un relief plus aplati, disons. Plus mais c'est pas évident, la réponse. Non, il faut reconnaître que cette hypothèse-là, elle est... Elle est l'idée d'avoir un chapelet d'îles entouré de lagons merveilleux. Ça, c'est une hypothèse qui est plus un désir, en disant ça, c'est optimal pour la vie, parce que ça favorise une grande quantité de vie. Alors, ce que c'est mieux pour la vie, c'est une autre chose. En réalité, la géophysique, telle qu'on la discute, et on la discute parce que, par exemple, l'existence ou non d'une tectonique des plaques, pour le maintien du climat, d'un climat propice à la vie que j'évoquais tout à l'heure, c'est un sujet important. On n'est pas certain que la Terre soit pas un peu exceptionnelle de ce point de vue-là. Donc on fait des recherches là-dessus. Et sur une super Terre, donc une Terre un petit peu plus grosse, est-ce que on va voir une tectonique ou pas? C'est un débat. De toute façon, a priori, on peut imaginer qu'il y aura, à cause du ratio entre le volume et la surface, si vous voulez, on peut imaginer qu'il y aura plus d'eau. Et s'il y a trop d'eau, si on veut des continents, il faut quand même un peu de géologie, parce que sinon, tout va être plat. Si la Terre avait un relief très limité, on aurait 3 km d'eau partout, il n'y aurait pas de continent, et la vie serait quand même moins, surtout notre vie ici, à la maison de la radio, serait moins adaptée. Donc, sauf que là, on est au 8e, donc on aurait quand même une chance de pouvoir faire cette émission. Ce côté-là est spéculatif et un peu rêveur, et pourquoi pas. Martial Karoff, vous avez imaginé, vous, pas un chapelet d'îles, mais plutôt un continent unique? Oui, un continent unique. Mais c'est pour des raisons qui ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour des raisons plutôt romanesques que scientifiques. J'avais besoin de les isoler. Pour moi, c'était fondamental, et qu'il n'y ait qu'une seule civilisation dans la planète. Donc c'est beaucoup plus facile quand tout le monde est réuni sur une seule île, disons. Voilà, donc en fait, tout dépend un petit peu du fantasme d'où on part. Voilà. Et parfois même, les scientifiques qui pensent ne pas en avoir aboutissent, et vous l'avez bien remarqué, Mathilde Fontaine, sur quelque chose qui ressemble beaucoup à un fantasme, en réalité. Même en partant sur des critères très physiques. Martial, Caro, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, justement, ce qui avait été dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, le fait de découvrir de la vie ailleurs, même très très loin, je pense que c'est absolument fondamental. C'est pas qu'une simple curiosité scientifique. La vie, enfin, encore faut-il que ce soit une vie qui nous parle, disons. Si c'est juste quelques limaces, on aura vite fait le tour. Mais si c'est une vie organisée... Je suis sûr que des limaces, ça passionnera quand même les foules. François Forget a l'air d'en être persuadé. Non, mais découvrir une... ce qu'on va dire en mots pompeux, une seconde genèse. C'est-à-dire un indice qui suggère que si les conditions chimiques et physiques sont réunies, de l'eau liquide et quelques éléments, la vie de manière un peu systématique, en tout cas avec un autre exemple, démarre, ce sera un indice extraordinaire sur la possibilité de vie dans l'univers. Et ce sera une révolution pour nous. Et ce sera un très très fort indice pour suggérer, ok, sur cette planète-là, il n'y a que des limaces. Et encore des limaces, ce sont des êtres extraordinairement compliqués. Mais même juste des bactéries basiques, ce serait un indice très très fort qu'il y a sûrement quelque chose de plus évolué ailleurs. Enfin, ce serait passionnant. Thérèse Ancrenaz, est-ce que c'est le signe que si on en trouve une autre de présence de vie, tous d'un seul coup, on sera certain qu'il y en a partout? Ah, je pense que ça changera complètement notre vision des choses. Et pour revenir à ce qui vient d'être dit, si on continue à rechercher la vie sur Mars avec vraiment énormément d'efforts, tout en sachant très bien que si on trouve quelque chose, ça c'est des traces de vie passée, voilà, au pas premier de vie, niveau, actuelle. Ça prouve bien que même cette première étape, elle est fondamentale. Parce que justement, elle nous ouvre des horizons, littéralement, sur ce qui est possible en dehors de, au-delà du système solaire. Martial Karoff, vous l'avez limité à ce couple de la Terre avec son exoplanète, Exoterra, donc pas d'autres essaimages de vie ailleurs. pas. Ben, disons que les moyens optiques, même en 2030, ne permettent pas d'aller beaucoup plus loin. Mais disons, dans le bras de galaxie qui a été exploré par les, ben, les 200, exotériens... 280 années-lumière, c'est quand même pas c'est pas grand-chose dans l'univers. Dans l'univers, non. Dans ce petit quartier-là, disons, il y a que deux, effectivement. Il y a que deux planètes qui sont éloignées à 389 années-lumière. Voilà. Donc, il n'y a pas autre chose. En tout cas, ils n'ont pas trouvé autre chose. On aborde la fin de l'émission, là. François Forget, est-ce qu'on a une idée, alors gardons cette Exoterra comme modèle, est-ce qu'on a une idée du nombre potentiel de terres qui ressemblent, de planètes qui ressemblent vraiment à la Terre? Eh bien ça, ce sera une bonne conclusion pour l'émission, c'est le fait que d'une part, on a maintenant la certitude quasiment qu'il y a autour d'un grand nombre d'étoiles, une grande fraction des étoiles, des planètes un peu rocheuses comme la Terre, à la bonne distance de leur étoile pour avoir peut-être de l'eau liquide. Mais d'autre part, on se pose des questions sur les autres conditions qui sont nécessaires pour maintenir cette eau liquide. Sur la Terre, il y a eu plein de choses exceptionnelles. Des océans pendant des milliards d'années, maintenus grâce à la tectonique des plaques. On ne connaît pas d'autres exemples de tectonique des plaques, etc. Ce qui fait que on est peut-être sur quelque chose d'exceptionnel. La question reste posée. La Terre est peut-être exceptionnelle, peut-être unique. Et comme par définition, on a démarré là, c'est peut-être pas le hasard. Et il y en a peut-être beaucoup ou presque pas. On ne sait toujours pas. Voilà, donc il faudra en reparler pour statuer. On a maintenant plein d'exoplanètes, mais on est toujours à la recherche de terres qui soient vraiment proches de la nôtre. Le débat de Science Publique donc s'achève. Merci à Martial Karoff, Thérèse Ancrenaz, François Forget et Mathilde Fontaise d'y avoir participé. Vous pouvez approfondir notre sujet en lisant l'enquête fouillée de Mathilde Fontaise qui est parue dans le magazine Science et Vie du mois de juillet, qui est en kiosque actuellement. On peut prendre le risque de le dire. Oui, tout à fait. Mathilde, voilà, c'est Mathilde qui prend le risque. Et vous pouvez également donc lire le roman de Martial Karoff intitulé Exoplanète, publié par les éditions Terre de Brume en 2009, difficile à trouver en version papier, mais qui existe en version électronique. Sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes celles de Culture Science pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an, et bien entendu nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 3 juillet, Science Publique reviendra pour la dernière émission de la saison sur un sujet passionnant, l'hypnose. Nous nous demanderons comment elle agit sur le cerveau et nous vous ferons part de nos propres expériences dans ce domaine. Nos invités seront Jean-Marc Bernahem et Marcel Châtel. Science Publique, Dany Journaux, Dali Aya, Alain Gauthier pour France Bleu, Brice Zizel, Marie Dalquier, Michel Albertanti. Nous vous laissons en compagnie des bonnes feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture.